m'asseoir sur un banc, 5 minutes avec toi, et regarder les gens tant qu'il y en a. Alors c'est du BBM. À m'asseoir. Déjà, il faudrait que j'ai la première mesure. Merde. Putain, mais il y a mon ordinateur est pas assez grand pour. Putain, c'est dur. Attends, faut jouer. M'asseoir. B mineur. B 1 2 3. M'asseoir sur un banc 5 minutes avec toi, regarder les gens tant qu'il y en a, te parler du bon temps qui m'occupe viendra en serrant ta main dans tes petits doigts. Ah mais non, ça va pas, putain, le nombre de mesures. J'arrive pas. Pourquoi j'arrive pas à copier la tablature maintenant? J'arrive plus à y copier pour y mettre le lien. Tu sais, je vais copier la tablature pour que tu l'as envoyé, quoi. Je les ai mis les accords tout à l'heure là, attends. Je les ai mis en haut, je vais chercher. C'est ça. C'est ça les accords. Voilà, c'est ça, ok? Sauf que je crois que j'ai pas mis assez de mesures. Hey. M'asseoir sur un banc 5 minutes avec toi, regarder les gens tant qu'il y en a, parler du bon temps qui m'aurait qui viendra. C'est rend ta main, tes petits doigts. Il me fait des pigeons idiots et un coucou pour le faux. Entends ton rire que les heures sur les nuits. Tassin, c'est Tassin, c'est la faute à Tassin, on a perdu Tassin. M'asseoir sur un banc, 5 minutes avec toi. Je vais te faire une version sur lui. Hey. M'asseoir sur un banc, 5 minutes avec toi, et les gens, il y en a. Tu parles du bon temps. C'est en la main des petits doigts qui donnaient à bouffer à des pigeons idiots, leur filer des coups de pied dans des faux et entendre ton rire que les heures de l'aimer. Oh yeah! Oh, oh, oh, que j'aurais eu l'idée! Yeah. Attention, la chanson de Johnny Hallyday. J'étais un homme y a pas longtemps. J'ai peur d'être un enfant à partir de maintenant. Oh, oh ben c'est fini. Ok, Johnny. Come on, Doc. Replay. Oh, Johnny Hallyday. Oh, Johnny Hallyday. Apprendre à aimer à l'ancien Johnny Hallyday. Titi, tu vas me faire les portes du pénitencier. Les portes du pénitencier. Bientôt vont se refermer. C'est là que je... Les portes du pénitencier. Allez, je cherche les paroles. Pas les paroles de ça. Si sans paroles, il n'y a pas celle-là. Ah non, parce qu'il faut faire le pénitencier. Ah ouais, excuse-moi. À la porte du pénitencier. Jean-Michel ne sait pas chanter. Attends, c'est quoi le tempo? Ouais, c'est, on va le faire sur le... Ok, ça court. une mignon. Ça, non? T'inquiète pas, je suis pauvre. Attention. Optique de nuit. Bientôt vont se refermer. Et c'est là que je finirai ma vie. D'autres gars n'ont fini. Pour moi, mon air m'a trouvé sa robe de. Peux-tu jamais me pardonner? Mais j'étais trop fier. Le soleil n'est pas fait pour nous. C'est la nuit qu'on peut toucher. Toi qui ce soir as-tu perdu? J'ai pas accordé ma guitare, non ? Ça sent ? Allez. Les portes du pénitencier. Putain, on n'entend pas ma guitare, là, non ? Attends, hein, je regarde le volume. Je sais combien là. Quoi ? Si, c'est bon. Bon, je recommence. Et après, tu fais le saut. Le solo de David. Attends, il faut la. Hop là. 1, 2, 3. Les portes du pénitencier bientôt vont se refermer. Et c'est là que je finirai ma vie. D'autres gars. Ayant Johnny, il est... Ah que je suis pas content, tu chantes pas tout doux, tout comme il faut la chanson. Tu vas recommencer tout de suite, le méchant. Sinon j'appelle l'optique de nuit. Porte du pénitencier. Bientôt vont se refermer. Et c'est là que je finirai ma vie. D'autres gars fini. Pour moi, ma mère m'a donné sa robe de mariée. Peux-tu jamais me pardonner? Ouais, j'étais trop fort, pleuré. Le soleil n'est pas fait pour nous. C'est la nuit qu'on peut tricher. Toi qui ce soir as tout perdu, demain tu peux gagner. À toi Titi. Thank you. m'étonnerais. Salut Phil. Je vais mettre une petite batterie là. Cherche une batterie. Batterie, c'est où les slow là déjà? C'est où les balades? Rock, balade. Balade? Non mais 6-8, ça va pas le faire. Non, ça va pas du tout ça. À moins que Phil t'aies une balade, toi. Mieux. Je sais pas qu'est-ce que je peux mettre comme truc. Ça y est, batteur. Bon, merde, y a pas quelqu'un qui veut mettre une... Une batterie. Bon, moi je mets pas de batterie. Ça fait chier. C'est pour il me prend la tête. En fait, direct au pénitentiaire. Que Johnny Hallyday n'est pas content du tout. Cette chanson est complètement. Le chanteur il est vraiment nul. Je vais le virer. On a des super guitaristes. Le chanteur est à chier. En plus, ta guitare n'est pas accordée. Ça c'est en attendant la mesure 1. Toi la fille qui m'a